vois danser les lampes de gaufres clairs à des reflets d'argent, la mer de reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges, ce pur la mer me gère d'azur en fini. Voyeux près des étangs, ces grands roseaux, voyeux ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. D'amour, la mer a versé mon cœur pour la vie. Pour la vie. Pour la vie.